Ne placardons Nous pas ne vos déclarations placardons sur pas les vos murs, nous n'essayons déclarations pas de sur vous les avoir en murs. traître, Nous nous ne n'essayons préparons pas pas de un vous coup de avoir en théâtre, nous traître. sommes là, nous n'avons pas Nous d'entrée ne en scène, préparons pas de face pas sortie, un coup de théâtre. nous ne faisons pas d'apportée, Nous sommes nous là. n'avons rien Nous à vous n'avons pas raconter, il n'y a d'entrée pas en de dialogue, scène. nous ne sommes pas Pas en de situation, sortie. nous n'avons pas d'échange Nous avec ne vous, vous n'êtes faisons pas pas complice, vous d'apportée. n'assistez pas à un Nous événement, n'avons rien à nous vous ne vous assommons raconter. pas de Il n'y boutade, a pas cessez de d'être dialogue. apathique, réveillez-vous, Nous ne mettez-vous sommes bien pas dans la en tête qu'il ne se situation. passera rien, ça vous Nous embête qu'on vous n'avons pas regarde et qu'on vous d'échange parle alors avec que vous vous. préparez à nous épier Vous dans n'êtes pas l'obscurité, complice. bien qu'elle est dans vos n'assistez fauteuils. pas à un Votre présence est événement. recréée à chaque instant Nous par chacune de nos paroles, on la nourrit, on la stimule, pas de mot après mot, boutade. souffle après souffle. Cessez d'être Votre conception du apathique. théâtre, on s'en fout, on ne vous Réveillez-vous. connaît pas à nous regarder, mais on ne vous laisse Mettez-vous pas le bien choix. dans Vous la êtes le tête sujet, qu'il vous ne êtes les se acteurs, vous passera êtes nos rien. antagonistes. C'est Ça, vous qui êtes vous visé, vous êtes êtes notre d'être cible, qu'on vous ne vous servez que de regarde et cible. que vous C'est une parle métaphore, vous alors êtes que la cible vous de nos vous métaphores. Préparez à nous épier dans l'obscurité, bien calés dans vos fauteuils. Votre présence est recréée à chaque instant par chacune de nos paroles. On la nourrit, on la stimule, mot après mot, souffle après souffle. Votre conception du théâtre, on s'en fout. On ne vous condamne pas à nous regarder, mais on ne vous laisse pas le choix.